dès que tu es arrivé, tout a changé. Tu m'as regardé soudain, j'ai perdu la tête. Aujourd'hui encore, je crois avoir rêvé. Je pensais que ces moments ne finiraient jamais. Et que pour nous dès le temps s'arrêterait. J'aurais voulu t'inventer des mots de folie et chanter pour toi ce refrain jour et nuit. Moi je t'aime, moi je t'aime. Comment faire pour dire alors que moi je t'aime? Moi je t'aime, moi je t'aime. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Moi je t'aime, moi je t'aime. C'est fini l'été, on a fermé notre discothèque. L'automne est venu et tout s'est transformé. Dis-moi où es-tu, je ne sais plus, j'en perds la tête. Je te cherche un peu partout sans te trouver. Moi je t'aime, moi je t'aime. Comment faire pour dire alors que moi je t'aime? Moi je t'aime, moi je t'aime. Je n'ai pas changé, je suis toujours aimé.